toujours que l'Éternel les garde pour nous en fait quelque chose de soudain. Et nous vous bénissons tout ce qui est là ce soir. Car sans vous, on n'allait pas être dans ces lieux. Voilà pourquoi que le Seigneur se souvient de vous, quel que soit le besoin que vous avez. C'est dans la maison de l'Éternel, là où il y a des solutions. C'est dans la maison de l'Éternel, là où il y a la délivrance. Alors que le Seigneur se souvienne de vous ce soir et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, depuis toute la semaine, on nous parle sur les adversaires qu'un homme de Dieu pourra rencontrer dans sa vie. Et le mercredi, on nous a parlé de quatre grands adversaires, mais beaucoup plus, on nous a présenté un seul d'entre les quatre que les hommes de Dieu font face à lui et leur vie n'arrive pas à avancer. Et l'adversaire qu'on a vu le mercredi, c'était un esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière. Lorsque l'esprit est devant, lorsque l'esprit est dans nos vies, nous allons comprendre que tout ce que nous allons faire, ces choses ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que la mission principale de l'esprit qui nous traque, c'est nous faire retourner en arrière. Or, en arrière, c'est là où nous avons laissé l'échec. C'est derrière nous que nous avons laissé la maladie. C'est derrière nous que nous avons laissé des blocages. Et à ce stade-là où nous sommes arrivés, c'est un stade où nous sommes censés témoigner la main de l'Éternel. Mais la présence de l'Esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière, sa mission principale est que nous puissions rentrer à l'ancienne vie que nous avons abandonnée. La vie que Christ nous a trouvée dedans et Christ nous a délivrés de cette vie. Voilà pourquoi ce soir nous allons rester toujours dans l'angle des choses et ce soir nous allons combattre l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière. Alléluia. Le sujet principal qui va nous aider ce soir, c'est une phrase très importante dans la vie d'un homme de Dieu. Cette phrase nous dit, ne te trompe pas d'adversaire. Lorsque quelqu'un se trompe d'adversaire, c'est déjà fini pour lui. L'échec est dans sa vie. Parce qu'on ne sait pas qui on combat. Lorsque nous nous trompons d'adversaire, nous pouvons combattre quelqu'un qui a la clé de notre bénédiction. Quelqu'un qui pourra nous permettre de réussir dans la vie. Voilà pourquoi ce mois ou cette semaine, le Seigneur a voulu nous faire comprendre et nous ramener à ne pas se tromper d'adversaire. Car les jours où nous nous trompons d'adversaire, c'est les jours où nous mettrons une croix au succès et à la victoire de notre vie. Et ce soir, nous allons combattre un seul esprit. C'est l'esprit de nous faire retourner en arrière. Pourquoi devons-nous combattre l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière? La première des choses pour ceux-là qui écrivent, c'est pour que nous puissions échapper à la mort. La mission principale de l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière, il cherche à ce que nous puissions mourir. Voilà pourquoi nous sommes dans le livre des 1 Roi chapitre 13, du 1er jusqu'au verset 27. Mais le verset clé, c'est le verset 8, le verset 18 à 20. Lorsque nous voyons cette histoire, dans cette histoire, on nous présente l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'était un jeune prophète que Dieu avait envoyé à Bethel d'aller annoncer la bonne nouvelle. La mission principale, c'était d'aller amener la prophétie à Bethel, qui devait parler sur l'autel de l'Éternel. Pendant que cet homme a fini sa mission, l'Éternel lui avait dit, là où tu pars à Bethel, ne mange pas, ne bois pas et ne rentre pas sur le même chemin à ton retour. C'était ça l'instruction que Dieu avait donnée à cet homme. Et lorsque cet homme est arrivé, il a fini le service. Le roi Jéroboam cherchait à ce que cet homme puisse manger. Cet homme a dit au roi en disant que je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Car l'instruction que Dieu m'a donnée, c'est de ne pas manger ni de boire, ni de rentrer sur le même chemin de retour. Cet homme a quitté Bethel et il s'est dirigé vers Jida, là où il habitait. Pendant qu'il s'est déplacé, un homme de Dieu est arrivé. Et l'homme de Dieu qui est arrivé, c'était un vieux prophète. lui aussi était prophète comme cet homme. Quand il est arrivé, il a appris qu'il y a eu un jeune prophète qui est passé et il a donné de la part de l'Éternel. Et il cherchait à savoir par quelle direction cet homme de Dieu est parti. Heureusement, les enfants savaient par quel chemin le prophète a pris rentrer chez lui. Et ils ont indiqué le chemin. Et quand il est parti, bizarrement, il a rencontré les jeunes prophètes. Lorsqu'il a rencontré les jeunes prophètes, il lui dit, j'ai appris de ce que tu as dit, mais tu dois rentrer avec moi pourvu que tu puisses au moins manger quelque chose et boire. Et par après, tu vas aller. Le jeune prophète lui dit, j'ai reçu de la part de l'Éternel une instruction qui m'a interdit de ne boire ni manger quelque chose. Dans le verset 18, le vieux prophète insistant beaucoup plus, en cherchant ce que cet homme puisse rentrer. Et lorsqu'il a insisté, pour arriver à convaincre les jeunes prophètes, ce vieux prophète a utilisé une ruse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Au moment où tu t'es déplacé, l'ange de l'Éternel m'a donné une prophétie. L'ange de l'Éternel m'a dit, tu dois rentrer, tu dois manger et tu dois boire. Ensuite, tu vas retourner sur le chemin. Et cet homme de Dieu a obéi à cela. Il est rentré. Et lorsqu'il est rentré, pendant qu'il mangeait à table, l'Éternel parle au vieux prophète en lui disant, tu vas parler au jeune prophète. Vu qu'il n'a pas obéi à mes recommandations, au règlement, je lui ai dit de ne pas manger, je lui ai dit de ne pas boire et de ne pas retourner. Et cet homme est rentré. Et comme il est rentré, cet homme ne va pas arriver là où il part. Et bizarrement, cet homme a rencontré un lion et cet homme est mort sur le chemin. Les choses que j'ai détectées dans cet homme, c'est que l'imprudence pour ce jeune prophète, il n'a pas eu le temps de respecter l'instruction que Dieu lui avait donnée. Cependant, Dieu lui avait dit, là où tu pars, quel que soit tout ce qui va se passer, ne mange pas et ne rentre pas sur le même chemin. Mais le vieux prophète a insisté et cet homme est rentré sur le même chemin. Et lorsqu'il a obéi à l'esprit qui cherchait à le retourner en arrière, cet homme est mort. La plupart d'entre nous, nous mourons parce que nous refusons l'instruction de Dieu. Nous abandonnons l'instruction de Dieu. Ce n'était pas seulement l'instruction que cet homme a eu à ignorer. Et cet homme aussi, il a prêté oreille à une prophétie sans pour autant vérifier et analyser. Cependant, il était prophète de l'Éternel. Le vieux prophète lui dit, l'ange m'a parlé aussi de ta part. Normalement, en étant prophète, il devait chercher aussi l'orientation de Dieu, si l'instruction a été annulée ou pas. Mais cet homme n'a pas obéi à l'instruction de Dieu. Conséquence, cet homme, il est mort sur le chemin. Bien-aimés, pourquoi nous devons combattre cet esprit? C'est pour que nous puissions échapper à la mort. Lorsque nous laissons l'esprit qui cherche à nous retourner en arrière, nous allons mourir avant notre âge, avant notre bénédiction. Car jour et nuit, l'Éternel donne des instructions à son peuple. Lorsque Moïse est mort, l'Éternel a appelé Josué. De tout ce que l'Éternel devait parler à Josué, l'Éternel a beaucoup insisté sur l'instruction. Il lui dit, tu dois méditer sur les livres de la loi. Ne t'en détourne pas, ne va ni à gauche ni à droite pourvu que tu puisses réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, par manque de respect d'instruction, nous rencontrons la mort sur notre chemin. Lorsque nous n'obéissons pas aux règlements de l'Éternel, aux instructions de l'Éternel, nous pouvons nous retrouver dans les camps adverses, sur les champs des mines, et nous mourons comme ça. La première des choses, pourquoi devons-nous combattre l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière? C'est pour éviter à la mort. Car la mission principale, c'est pour que nous puissions mourir. La deuxième des choses, pourquoi devons-nous combattre l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière? C'est pour que nous ne puissions pas rater notre destinée. La destinée, elle est grande pour chaque enfant de Dieu. Et les esprits cherchent à ce que nous puissions rentrer à la case de départ, pourvu que nous puissions rater notre destinée. Pour comprendre cela, nous sommes dans le livre des Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Lorsque Naomi a eu à perdre son mari, après quelques temps après, ses deux enfants aussi sont morts. Orpa et Ruth vivaient avec leur belle-mère Naomi ensemble. Et lorsque eux tous trois ont perdu leur mari, Orpa et Ruth, elles se sont attachées à leur belle-mère Naomi. Et pendant beaucoup d'années, dans le verset 11, Naomi devait quitter le pays là où elle habitait, elle devait aller à Moab. Et elle dit à Orpa et à Ruth en disant, « Retournez chez vous, moi je dois aller là où je pars. » Et pendant que ces trois femmes se déplaçaient, Naomi ne faisait qu'insister sur la chose que ces deux jeunes sœurs ou ces belles filles devaient faire, c'était de laisser Naomi partir et eux devaient rentrer. Et au milieu du chemin, Naomi insista encore en disant, « Rentrez, à mon âge, je ne peux pas vous donner de nouveaux maris. » Et même si cela était vrai, c'est difficile que vous puissiez attendre l'enfant, que l'enfant puisse grandir et vous remarier ensuite. Pendant que Naomi insistait beaucoup plus, Orpa a pris la décision de rentrer. Tellement que Naomi disait, vous devez rentrer chez vous. Orpa a obéi à la parole. Orpa est rentré. Mais Ruth n'a pas obéi à cette parole. Ruth a dit à Naomi, partout là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Lorsque Orpa est rentré, la Bible ne parle plus de Orpa. Son histoire s'est arrêtée là. Pourquoi? Parce que Orpa faisait face à sa destinée. Mais bizarrement, Orpa a été vaincu par l'esprit qui chercha à le faire retourner en arrière. Et lorsqu'elle est rentrée en arrière, sa destinée, elle a été ratée. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas changer la destinée, mais nous pouvons rater la destinée par la décision que nous prenons. Orpa a pris la décision de laisser le chemin de sa destinée. Et elle a rentré. Et lorsqu'elle est rentrée, son histoire s'est arrêtée là. Mais Ruth, pendant que Ruth s'est attachée à Naomi, la Bible dit que Ruth est arrivée au pays de Moab. Ruth s'est mariée à un homme riche, un grand homme puissant appelé Boaz, qui est aujourd'hui l'image de Jésus-Christ. Et Ruth, l'image de l'Église. Ruth a réussi sa destinée. Pourquoi? Elle a vaincu l'esprit qui cherchait à la ramener en arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous obéissons à l'esprit qui cherche à nous ramener en arrière, là nous allons échouer, même sur le chemin de notre destinée. La destinée, c'est un grand chemin. Et sur ce chemin, il y a des obstacles, il y a des combats. Mais seuls les gens qui persévèrent arrivent à leur destinée. Orpa n'avait pas la persévérance. La chose qui a induit Orpa en arrière. Deuxièmement, Orpa n'avait pas le courage. La deuxième des choses qui a amené Orpa à rater sa destinée. Troisièmement, Orpa n'était pas déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à votre destinée, vous avez besoin de la détermination. La détermination, c'est la chose qui nous permet de nous maintenir sur le chemin de la destinée. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la réputation, quels que soient les enjeux, quelqu'un qui est déterminé arrive à sa destinée. Aujourd'hui, la plupart des gens n'arrivent pas à construire leur maison, n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite tempête, la personne se décourage et abandonne. Bien-aimé dans le Seigneur, le succès, la victoire appartient aux hommes forts et aux hommes courageux. Des hommes qui sont forts, des hommes courageux arrivent à réussir dans la vie. Car la vie n'a jamais été facile, mais le courage, la détermination nous permet à ce que nous puissions réussir dans la vie, quels que soient les obstacles. Orpa a cédé l'esprit qui cherchait à la faire retourner en arrière. Et elle a arrêté sa destinée. Mais cependant, si elle devait persévérer, on devait parler aussi d'elle comme Ruth. Mais aujourd'hui, on ne parle que des rites. Ma prière ce soir est que le Seigneur vous donne le courage, vous donne la détermination dans tout ce que vous entreprenez par-ci, par-là. Que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous donne la force en ce que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez comme projet. L'esprit qui cherche à nous retourner en arrière, cher, il sait que lorsque nous sommes persévérants, lorsque nous sommes déterminés, nous allons faire les exploits avec l'Éternel. Pour nous arrêter sur le chemin, l'Esprit cherche à nous détourner de notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée, elle est grande. La destinée de tes enfants, elle est grande. Nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la détermination pour y arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles, quels que soient les dangers, des dangers que tu vas rencontrer, que je vais rencontrer sur le chemin, que moi je puisse voir la grande destinée qui m'attend, mais pas voir les obstacles. Par manque de décision, de discernement, beaucoup ont raté leur destinée. L'ennemi cherchera à passer par un homme qui est proche de vous pour vous détourner de la vision des yeux, pour vous détourner sur le chemin de votre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vous a choisi, Dieu a réservé de grandes choses pour vous. Ces choses-là sont demain. Ces choses-là vous attendent demain. Mais si aujourd'hui, vous abandonnez par rapport aux obstacles qui sont dans le présent, vous n'allez pas voir la grande puissance des dieux et la grande bénédiction des dieux qui vous attendent demain. Demain appartient aux gens forts. Demain appartient aux gens puissants. Demain appartient aux gens qui sont déterminés. Demain appartient aux gens qui ont le courage. Même si on demandait aux gens qui ont construit, même si on demandait aux gens qui ont fini les études, ils vous diront que construire, ce n'est pas facile. Et finir les études, ce n'est pas facile. Mais comment la personne est arrivée là? La personne vous dira que j'ai été courageux, j'ai été sérieux dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, votre destinée, elle est grande. C'est juste avec la détermination et le courage que vous allez entrer dans votre destinée. Ce fut aussi le cas avec Israël. La destinée d'Israël, c'était Canaan. Mais sur le chemin, il y avait les Philistins. Il y avait des nations fortes qui devaient combattre Israël. Mais sur le chemin, beaucoup ont cédé. Beaucoup sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peurés, ils étaient découragés. Mais les gens forts sont arrivés jusqu'à Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, avec votre persévérance, vous allez arriver à votre destinée. Et vous allez changer l'histoire de votre vie. L'histoire de votre vie dépend de votre courage et de votre persévérance. Pour y arriver, nous devons être déterminés dans ce qu'on fait et vaincre l'esprit qui cherche à nous retourner en arrière. Troisièmement, pour ceux-là qui écrivent, pourquoi nous devons combattre l'esprit qui cherche à nous ramener en arrière? C'est pour que nous puissions échapper à la maladie. Lorsque nous sommes dans le livre des Deux Rois, chapitre 5, du verset 20 au verset 27, on nous parle de l'histoire de Naaman. Naaman était un officier, un grand officier. Mais cependant, cet homme était frappé par la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui affecte la peau. Et pendant qu'il était en Syrie, cet homme, la maladie l'est compliquée. Mais bizarrement, lorsque les soldats de Syrie ont attaqué Samarie, pendant leur retour, ils ont enlevé une jeune fille samaritaine. Cette fille était au service de l'épouse de Naaman. Et cependant, cette jeune fille voyait la souffrance que son chef pouvait endurer. La fille dit à sa maîtresse en disant, « Si Naaman, le patron, va à Samarie et trouve un homme des yeux appelé Élisée, il sera guéri de la lèpre. » Cependant, Naaman s'opposait. Mais finalement, Naaman a accepté d'aller à Samarie. Et lorsqu'il a rencontré un homme des cieux, Élisée lui dit, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Cet homme est parti se plonger cette fois et il fut guéri de la lèpre. Mais pendant ce temps, Élisée avait un homme, son serviteur, qui était attaché à lui. Cet homme s'appelait Géasi. Dans le verset 20, la Bible dit ceci. Que pendant que Naaman est arrivé auprès d'Élisée, Naaman a amené des biens matériels. Il a amené beaucoup de choses en guise de reconnaissance de la guérison qu'il a reçue. Et il a donné à l'homme des yeux. Élisée a refusé de prendre ces choses. Il lui dit, rentre avec tes choses. Lorsque Naaman est rentré, Géasi, son esprit était agité. Qu'est-ce qui parlait en lui? L'esprit qui cherchait à le faire rentrer en arrière. Et l'esprit a trouvé une brèche dans la vie de Géasi. C'était la cupidité. Géasi s'est dit, comment se fait-il que Élisée refuse ses biens que l'homme a y apporté? Il dit, je vais rentrer auprès d'Aman. Je vais aller prendre tout ce qu'il a apporté. Cet homme a quitté les prophètes et il est parti vers Naaman. Et il a pris tout ce que Naaman avait apporté. Et cet homme a même menti qu'Élisée a reçu de nouveaux serviteurs et ces gens sont arrivés. Et il a pris ses biens, il est parti caché dans sa maison. Mais bizarrement, l'erreur que cet homme a eu à faire, c'était de rentrer vers Naaman. Tout ce que l'esprit cherchait, c'est de voir Géasi se détourner d'Élisée. Et lorsqu'il est parti auprès de Naaman, Élisée lui dit, Géasi, d'où viens-tu? Géasi lui dit, je ne me suis pas déplacé, j'étais toujours ici. Il lui dit, mon esprit était présent, mon esprit voyait tout. Comme tu es parti auprès de Naaman, la maladie qui était sur le corps de Naaman sera sur ta vie. Pas seulement sur sa vie, et sur sa postérité. Ce jour-là, la postérité de Géasi fut frappée par la lèpre. Pourquoi Géasi n'a pas su vaincre l'esprit qui cherchait à le faire retourner en arrière? L'imprudence. L'esprit a vu la cupidité en lui. Et l'esprit a frappé. Et cet homme a été victime de la lèpre. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour nous sommes tentés par l'esprit qui cherche à nous ramener en arrière. La mission, c'est de nous ramener dans des maladies compliquées pourvu que nous puissions mourir. Ce fut le cas de Géasi. Tout ce que Géasi devait faire, c'était de rester toujours attaché à Élisée. Mais ce jour-là, il a pris une mauvaise route, un mauvais chemin. C'était de rentrer en arrière. Et lorsqu'il est rentré, sa vie a été changée ce jour-là. Cet homme est devenu lépreux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre l'esprit qui cherche à nous retourner en arrière. Lorsque l'esprit reste debout dans nos vies, aucune chose ne marchera pas dans notre vie. Nous serons toujours victimes de certaines maladies, des maladies sans nom. Pourquoi? Parce que l'esprit cherche toujours à nous ramener en arrière. La case de départ, c'était quoi? C'est dans la case là où nous étions victimes de la maladie et le Seigneur nous a guéris. Sur le chemin, où, au niveau où nous sommes délivrés de la maladie. Et la mission de l'esprit qui cherche à nous ramener en arrière, c'est de nous retourner dans la case de la maladie. Voilà pourquoi ce soir, quelqu'un va prier pourvu qu'il puisse arriver à vaincre l'esprit qui cherche à les retourner en arrière. Pour finir, la quatrième des choses. Pourquoi nous devons combattre l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière? C'est pourvu que nous ne puissions pas rater le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus donne des paraboles sur le royaume des cieux. Dans les versets premiers, il dit, le royaume des cieux est semblable aux 10 femmes qui préparent et qui se préparent, qui attendent l'arrivée de l'époux. Mais l'histoire commence à se compliquer dans les versets 8. La Bible dit que pendant ces femmes étaient ensemble, 5 d'entre ces femmes n'avaient pas prévu assez d'huile pour attendre l'époux qui devait venir pendant la nuit. Et pendant la nuit, leur lampe devait s'éteindre. Et ces 5 femmes ont demandé aux autres femmes en disant, donnez-nous un peu d'huile pour que nous puissions conserver la flamme. Les 5 femmes ont dit, nous ne pouvons pas vous donner, car lorsqu'on va vous donner, l'huile qu'on aura ne sera pas suffisante pourvu que nous puissions attendre l'époux aussi à notre tour. Mais bizarrement, ces 5 femmes ont décidé de quitter sur les lieux là où ils devaient attendre l'époux et ils devaient rentrer dans la ville pour aller payer de l'huile. Et au moment où ils ont pris le chemin de retour, la Bible dit que l'époux est arrivé. L'époux a pris les 5 femmes et il est entré dans la maison, la salle de noces, et la porte était fermée. À leur retour, ces 5 femmes ont vite compris que la porte était fermée. Et ils parlaient au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous quand nous sommes de retour. » Mais le Seigneur les a dit, « Je ne vous connais pas. » Pourquoi le Seigneur n'avait pas eu connaissance de ces 5? Pourquoi ils ont été vaincus, ou elles ont été vaincues par l'esprit qui cherchait à les ramener en arrière, d'aller chercher de l'huile? L'imprudence pour ces 5 femmes. Ils n'ont pas eu le temps de préparer assez d'huile. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous manquons le temps de se préparer, nous allons rater même notre miracle. Beaucoup d'entre nous, nous ratons la main des cieux. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas préparés à aller à la rencontre des cieux. Seuls ceux-là qui se préparent pour rencontrer Dieu, ils montent à l'ère de la prière et ils rentrent avec les témoignages venant de la part de l'Éternel. Si quelqu'un ne se prépare pas à aller à la rencontre des cieux, la personne priera et il ne verra pas quoi que ce soit dans sa vie changer. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit « Lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire que Jésus-Christ, Dieu existe. » Donc lorsque tu crois que là où je pars rencontrer Dieu, là tu vas rencontrer ton miracle. Par manque de préparation, beaucoup nous rentrons les miracles. Par manque de préparation, beaucoup nous rentrons la guérison. Par manque de préparation, beaucoup nous ratons la main puissante des yeux qui cherche à s'opérer dans nos vies. Ces 5 femmes n'ont pas eu le temps de préparer bien leur lampe et l'huile qui devait les accompagner pendant l'attente de l'époux qui devait venir. Et cela les a poussées à rater le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ta bénédiction, elle est là chaque jour dans la maison de l'Éternel. Ta guérison, elle est là chaque jour dans la maison de l'Éternel. Ton miracle, il est là dans la maison de l'Éternel chaque jour. Mais comment quelqu'un ou comment vous n'arrivez pas à décrocher et recevoir ces miracles? C'est parce qu'à chaque fois lorsque nous montons, nous ne nous préparons pas pour voir les yeux des miracles. Nous nous préparons pour voir quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un se prépare pour rencontrer les yeux des miracles, la personne, sa vie, c'est un miracle jour et nuit. Lorsque quelqu'un se prépare pour rencontrer les yeux de guérison, chaque jour, sa vie ne fait que rencontrer la guérison. Lorsque quelqu'un se prépare pour rencontrer les yeux d'exploit, sa vie chaque jour avance d'exploit en exploit. Lorsque quelqu'un se prépare pour rencontrer les yeux de gloire, chaque jour, sa vie est une gloire. Lorsque quelqu'un ne se prépare pas pour rencontrer les yeux des miracles, la personne priera et ne verra pas les miracles. Voilà les 4 choses que le Seigneur a voulu nous communiquer ce soir. En disant que nous devons combattre l'esprit qui cherche à nous ramener en arrière. Premièrement, pour échapper à la mort. Deuxièmement, pour réussir et pour ne pas rater sa destinée. Troisièmement, pour ne pas être victime de la maladie. Et quatrièmement, pour ne pas rater le royaume des cieux. Le Seigneur cherche nous voir toujours en bonne santé. Le Seigneur cherche nous voir toujours prospères. Mais l'esprit qui cherche à nous faire retourner en arrière cherche toujours nous voir en train de pleurer jour et nuit. Voilà pourquoi l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et de joie pour vous donner un avenir meilleur. Connaissant bien ces choses, connaissant bien l'avenir meilleur qui nous attend demain, l'Esprit cherche à nous ramener en arrière. Pourvu que tout ce que nous avons fait jusque-là, ces choses soient vaines et ces choses soient vaines. Voilà pourquoi quelqu'un va prier ce soir pour vaincre l'Esprit et détruire l'Esprit qui cherche à le faire retourner en arrière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour la parole de ce soir. Alors, avant que nous puissions prier pour nos vies, nous allons nous lever, nous allons prier pour le cadre d'évangélisation, le programme de l'Icacitador. Actes chapitre 4, le verset 9, la Bible dit, c'est Pierre qui parlait et dit, « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer la bonne nouvelle. » Ces passages des Actes chapitre 4, le verset 29, nous parlent de la mission d'évangélisation. Voilà pourquoi nous allons prier pour l'organisation de l'Icacitador. Que le Seigneur donne la force à ce que l'évangile soit donné partout et que les âmes soient sauvées. Actes chapitre 4, le verset 29. Alors nous allons prier pour le cadre de l'Icacitador, l'évangélisation. Que le Seigneur voie le menace des gens qui cherchent à combattre cette organisation, mais que le Seigneur donne la force et les moyens pour vivre que le programme de l'Icacitador soit un succès, soit une réussite pour la vie de l'Icacitador. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions pour l'évangélisation. Nous prions pour l'organisation de l'Icacitador. Que le Seigneur donne la force afin que la bonne nouvelle soit présentée, soit annoncée dans la ville de l'Icacitador. Seigneur, vois leur menace. Mais donne à tes serviteurs la force d'annoncer la bonne nouvelle et que les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi ce soir, nous prions, Seigneur, pour les cadres d'évangélisation. Seigneur Père, Dieu de gloire, que ta force accompagne l'organisation de l'Icacitador, que ton esprit. Donnez-nous la force aux yeux. Donnez-nous la force. Donnez-nous la force afin que l'Icacitador soit sauvé par la bonne nouvelle. Afin que l'Icacitador soit sauvé. Afin que les familles soient délivrées par la bonne nouvelle qu'il sera annoncé dans la ville de l'Icacitador. Que l'Icacitador soit un succès, soit une victoire, soit une réussite. Cette année aux cieux, que les âmes soient sauvées. Que cette année, ce programme soit une réussite. Passant par la force et ta puissance qui va s'opérer dans le programme, dans l'organisation. Quelle que soit la musique, la force est ton esprit. Quelle que soit la bonne nouvelle, la force est ton esprit. Quel que soit le programme, des caravanes, campagne aux cieux, descend de l'évangéliste, que ton esprit et ta force nous accompagnent dans ces cas. Père éternel Dieu, s'il y a eu des plans d'échec, que cela tombe. S'il y a eu des plans de blocage, que cela tombe. Comme Pierre dit, maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer la bonne nouvelle. Que tout ce qui a été arrêté pour amener l'échec, que tout ce qui a été arrêté pour amener le blocage, que cela tombe ce soir au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, que les plans de l'ennemi échouent ce soir. Seigneur Père éternel Dieu, Adieu. Jésus. C'est la belle de Jésus-Christ. Bien-aimé, chacun va prier pour sa vie. Vous allez détruire toutes les tentatives de retourner en arrière, quel que soit dans votre travail, quel que soit dans votre mariage, quel que soit dans le business, quel que soit dans votre étude, quel que soit dans tout ce que vous avez comme projet de développement. Chacun va prier, il va détruire l'esprit qui cherchera à le ramener en arrière, que pourvu que vous puissiez échouer dans la vie, pourvu que vous puissiez rater votre travail. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, détruit. Bien-aimé, je détruis ce soir. Tout ce qui a été planifié, Père éternel, sur ce soir. Les esprits qui cherchent à me faire retourner en arrière, compliquer le travail, compliquer le business, compliquer le projet, Père éternel, ce soir éternel, je renverse, je détruis Seigneur. Détruit les esprits qui s'élèvent au sujet de votre mariage, au sujet de votre foyer, au sujet de vos affaires, au sujet de vos enfants, au sujet de votre étude. Que cela tombe ce soir. J'écrase ce soir, j'écrase ce soir, j'écrase ce soir, j'écrase ce soir, j'écrase ce soir, je détruis ce soir, Père éternel, Dieu, toutes tentatives de me faire retourner en arrière pour rater ma destinée, pour rater la saison de gloire, pour rater la bénédiction qui m'attend, Père éternel, Dieu, ce soir, j'écrase, je détruis, je détruis. Je détruis, je détruis, je détruis dans ma famille, je détruis, je détruis. S'il y a une projet qui était arrêté cette année, ce soir, Père éternel, pour m'amener à l'échec, je détruis cela en le poussant des chaises, je détruis comme il est écrit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Ce soir, Père éternel, les tentatives, les projets de me faire retourner en arrière, je détruis. Mais prie. La délivrance appartient aux hommes de prière. Mais éternel Dieu. Ce soir, Père, je détruis. Je détruis au sujet de ma vie les projets, les décrets qu'ils ont été signés. Père éternel Dieu, ce soir, j'écrase, comme il est écrit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi ce soir, oh Dieu. Père éternel Dieu, Jésus-Christ de paix, éternel Dieu tout-puissant. À présent, vous allez déclarer au sujet de votre vie. Là où il y avait la maladie, déclarer la guérison. Là où il y avait l'échec, déclarer la réussite. Là où il y avait les projets qui ne marchaient pas, que la prospérité entre dans votre vie. Chacun prie pour sa vie et déclare au sujet de ses enfants, déclare au sujet de son mariage, déclare au sujet de son travail, de ses business, de tout ce qu'il entreprend. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, là où on a planté l'échec, ce soir, éternel Dieu, je change aux yeux. Père éternel, Dieu tout-puissant, que l'échec change en réussite au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le complot des maladies, Père éternel Dieu, là où il y avait la maladie qui était semée, que la guérison s'installe. Là où il y avait, Père éternel Dieu, les blocages, Père éternel Dieu, que les opportunités se présentent. Ce soir, éternel Dieu, Père éternel Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel Dieu, je déclare, ma vie sera prospère, éternel Dieu, ma vie sera qu'une réussite, ma vie sera une victoire, ma vie ne sera qu'un succès. Partout je passerai, Père éternel Dieu, dans tout ce que je vais entreprendre. Père éternel Dieu, la victoire, tu vas accompagner éternel Dieu. Père éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce soir, Père éternel Dieu, que la maladie n'a point de fait, la guérison, Christ est mort pour m'accorder la guérison. Ce soir, oh Dieu, ma vie éternelle ne sera plus une fille de maladie, Seigneur. Seigneur, Père éternel Dieu, ce soir, éternel Dieu, Père éternel Dieu, j'ai prié au Dieu tout-puissant, Seigneur de la gloire, éternel Dieu tout-puissant, les plans d'échec au sujet de ma famille, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. La dernière prière, nous sommes sur les plans spirituels. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes par l'esprit qui cherche à les faire retourner en arrière. Et nous parlons aujourd'hui des chrétiens rétrogrades. Voilà pourquoi vous allez prier pour votre ministère. Vous allez prier pour votre vie chrétienne. Vous allez prier pour les dons. Vous allez prier pour les services que vous effectuez dans l'église. Que ces esprits tombent et que vous puissiez prospérer et aller de l'avant du jour au lendemain. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, Dieu tout-puissant. souffrir.